أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شيخ صيح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشيزي pour aujourd'hui ses responsabilités en Madame Musulmane. Premièrement, nos besoins connus qui veut dire une madame musulmane. Une madame musulmane, c'est une madame qui fait accepter pour soumettre lui-même à Allah. Une madame musulmane, c'est une madame qui fait d'accord pour vivre d'après façon qui Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer lui à travers l'islam. En d'autres mots, une madame musulmane, c'est une madame qui fait d'accord pour vivre dans le dîn islam. Dîn islam, le mot dîn là aussi est nécessaire pour nous comprendre bien qui veut dire dîn et dîn islam. Dîn, c'est la façon qui indimoun les vivre au salatéala dans tout aspect sur la vie, c'est-à-dire façon qu'il est habillé, façon qu'il fait à ce commerce, toute petite chose qu'il fait, la prenne certains principes, ça appelle dîn. Donc dîn islam, c'est un mode de vie qui Allah subhanahu wa ta'ala fin préparé pour dîmoun vivre au salatéala. Dîn islam, un mode de vie complète qui couvre tout aspect de la vie dîmoun, comment y a dîmoun besoin vivre au salatéala. Sa dîn islam là, il y en a sur un propre principe qui montre dîmoun qui besoin adopter pour vivre au salatéala. Donc, une madame musulmane, c'est sa madame qui fait accepter dîn islam. Sa madame qui fait accepter pour conditionner sur la vie d'après dîn islam. Donc, ça, c'est une madame musulmane. Il est bien nécessaire, chères sœurs, pour nous comprendre, bien au commencement, la définition de madame musulmane, pour qui nous pas oublier de rôle plus tard. Là, nous trouvons qu'il y a des gens qui sont non musulmans, mais non seulement ils ne sont pas intéressés avec le dîn islam, mais ils font campagne contre les principes qui sa dîn la financent. Donc, un dîn, si il y a un non musulman avec lui, ça pas nécessairement veut dire que sa dîn là est une madame musulmane. Donc, une madame musulmane, c'est sa madame qui ni fin accepté pour vivre d'après dîn islam. Dans Sourah 3, ayat numéro 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna d-dina inda Allahi l-islam » Dîn qui auprès d'Allah, c'est dîn islam. C'est-à-dire dîn qui Allah reconnaît, c'est islam. En d'autres mots, la façon de vivre qui est indimune pour adopter le salaté là, pour qui Allah satisfait avec lui, c'est sa façon de vivre qui appelle l'islam là. Dans Sourah 3, ayat numéro 85, Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah peut dire dans sa ayat là, n'importe qui s'en là, qui adopte un dîn autre que l'islam. Papa accepter ça avec lui. C'est-à-dire, Allah pas reconnaître, Allah pas content sa façon de vivre, qu'il vive d'après un dîn autre que l'islam. Et, wa huwa fil akhirati min al khasirin, dans akhirat, il est parmi ban perdants. Veut dire, après la mort, il n'est pas le souffert. Après la mort, il n'est pas pour bénéficier du tout avec quelque chose qu'il finit faire au salaté là, parce qu'il finit adopter une façon de vivre qui n'est pas islam. N'importe qui s'en là, qu'il soit un arabe ou bien un non-arabe, n'importe qui du monde, qui finit adopter un dîn, il peut vivre d'après une façon qui n'est pas islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas accepter ça avec lui, et dans l'akhirat, ce dîn là, il ne peut pas m'y ban perdant. Donc, une madame qui fin décider pour vivre parmi la vie, une madame musulmane, eh bien, sa madame-là est une bonne nouvelle pour lui, qui tout ce bonne activité qu'il fait au salatère-là, tout ce bonne fatigue, tout ce bonne démence qu'il peut faire, pas parle d'en vide, lui pour gagner son récompense auprès d'Allah. Dans dunya même, Allah pour récompense lui, et surtout après la mort, Allah se récompense pas avec sa dîmoun-là. Donc, une madame musulmane, les besoins content. S'il finit la conviction pour vivre d'après dîn islam, s'il finit content et s'il est satisfait avec dîn islam, les besoins remercient Allah beaucoup. Parce que tous les bons efforts qu'il fait, toutes les bonnes dépenses qu'il fait, toutes les bonnes fatigues qu'il peut fatiguer dans sa dunya là, c'est pour dans son propre avantage. Donc, s'il finit comprendre, qui veut dire une madame musulmane, nous capables de comprendre à partir de là, qui veut dire une madame qui n'est pas musulmane, même si son nom Faiza, même si son nom Khatija. Donc, une madame qui n'est pas musulmane, c'est n'importe qui madame, quel que soit son nom, n'importe qui madame, pas d'accord, n'est pas satisfait avec sa façon de vivre, qui Allah fait montrer insan, sa façon de vivre qu'appelle l'islam là. Même ni capable sa madame là nos familles, ni capable nos proches, mais si il n'est pas satisfait et il n'est pas d'accord avec les principes de l'islam, ça veut dire il n'est pas une madame musulmane, même qui nous, à cause de ce nom arabe, nous parle enterré dans le cimetière musulman, les morts. Mais nous finissons comprendre là, qui madame musulmane, c'est une madame qui finit choisir comme ce mode de vie au salatère là, islam, digne qui est préparé par ce créateur qui connaît toutes les choses. L'air une madame musulmane finit comprendre qui veut dire une madame musulmane, n'est pas accepté ben une responsabilité qui sa dîn là fin fait l'iconé. Ben responsabilité qui lui peut être questionnée pour ça par ce créateur Zul Qiyamat. Premièrement, une madame musulmane est responsable pour ce corps. C'est-à-dire, comme manière les services aux bonnes membres dans ce corps, ils peuvent être responsables pour ça. Veut dire en d'autres mots, sa madame musulmane là, les conscients qui jour Qiyamat, ce créateur pour poser une question concernant comment il fait une service sur la main, dans qui place il fait une service sur les pieds, qui chose il fait prononcer avec sur la langue, qui ban son li fin capter avec ses oreilles, qui ban quitte chose qui li fin guetter avec ce lisier, et ainsi de suite. Une madame musulmane, li connaît et li accepté, li conscient, qu'il est responsable pour tout ban membre dans ce corps. Donc, une madame musulmane, li pour servir ban membre dans ce corps d'une façon qui les so créateurs pour poser des questions au Qiyamat, les prennent une bonne réponse pour faire. Une madame musulmane, Les poussières sont bonnes membres dans ce l'écho que ce créateur fin permettre lui. Bonnes membres qui fin donner dans ce l'écho fin donner pour servir. Mais seulement, sa madame musulmane là, lui pour servir, sa bonne membre dans ce l'écho qui Allah fin donner là, dans place que Allah fin permettre lui. Et pour qui sa madame musulmane là, lui capable, décharge sa responsabilité vis-à-vis ce bon membre dans ce l'écho, il pour besoin qu'on ait, qui quitte chose au créateur fin permettre lui pour guetter, et qui quitte chose qui lui pas gagne droit guetter. Qui quitte chose qui ce créateur fin permettre lui pour toucher, pour attraper, et qui quitte chose qui ce créateur fin défendre lui. Sa madame musulmane là, il pour besoin qu'on ait, qui quitte chose qui lui gagne droit écouter, et qui quitte chose qui lui pas gagne droit écouter. De la même façon, sa madame musulmane là, les pour servir les autres membres dans ce l'écho, jusqu'à ce que Allah fin permette pour servir. Et donc là, nous trouvons qui prennent madame musulmane, prennent madame qui conscient qu'il y a une musulmane, il sentit la nécessité. Prennent madame qui conscient qu'il est musulmane, il sentit la nécessité pour gagner une connaissance essentielle. Une connaissance qui peut permettre lui pour connaître comment et côte bien servir ce bon membre dans ce l'écho. Sinon, par manque de connaissance, sa madame musulmane là, capable de écouter quelque chose, qui parle de les difficultés après ce lambeau, mais seulement par manque de connaissance, par négligence, ni pas finant prendre, et alors il peut écouter quelque chose qui plus tard parle faire le dito. Comme ça même, sa madame musulmane là, s'il finit faire négligence, et il peut en apprendre, bonne petite chose nécessaire qu'il a besoin qu'on ait. Comme une madame musulmane, il est capable de distraire lui avec bonne petite chose qu'il peut guetter, alors que sa bonne petite chose là, il est haram. Sa bonne petite chose là, pour faire lui regretter après la mort. Sa madame musulmane là, comme ça même, s'il n'a pas fait une bonne connaissance nécessaire, il est capable de le servir sur l'écho dans une place que Allah n'est pas content et lui-même qui peut gagner des difficultés après la mort. Donc, une madame musulmane qui est conscient qu'il est musulmane, une madame musulmane qui connaît qu'il y a un mode de vie qui vient préparé par son créateur, lui pour reconnaître et lui pour faire des efforts pour connaître qui quitte chose qu'il a besoin faire, qui quitte chose qu'il a besoin éviter, afin qui l'air mon créateur propose moi une question ou qui m'a pour présenter devant lui, réponse qu'il m'a pour faire pour dans mon faveur. Donc, chers sœurs, il est nécessaire pour une madame musulmane de faire un peu d'effort pour en prendre ce digne, surtout quelque chose qui concerne lui comme une madame musulmane. Il est besoin de faire sacrifice et tout le monde fait sacrifice sur la terre. Madame musulmane là, besoin de faire sacrifice, sacrifice sur l'État, sacrifice ce sommeil s'il fallait, sacrifice ce l'argent, sacrifice ce sorti, pour lui gagner sa connaissance essentielle là. Léa lui fin gagner sa connaissance là, Léa là, lui pour servir ce bon membre dans ce l'écho, que Allah subhanahu wa ta'ala fin permette lui. Après sa première responsabilité là, une madame musulmane, et en particulier une madame qui finit mariée et après finit nos enfants. Ça n'a là, il y a une plus grande responsabilité. Dans un hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, une madame, lui, une gardienne, pour la case somissier, et pour ses bons enfants, et lui responsable pour tout cela. Ça, parole prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une madame, li en gardienne pour la case somissier. Et pour ce bon enfant, elle est responsable pour tout cela. Ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire madame dans son ummat comme sa responsabilité. Et madame qui conscient, sa madame musulmane qui conscient qu'il y a un membre dans l'ummat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas d'accord pour accepter sa bonne responsabilité qu'il a sur ses épaules. Là. Première petite chose qui est mentionnée dans ce hadith là, c'est sa madame là, li en gardienne pour la case soumissier. Ça veut dire que sa madame là, li pour besoin prendre compte tous les effets qui est là dans la case soumissier. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable tout ban kit chose qui n'a dans la case. Si y'en a kit chose peut abîmer, si y'en a kit chose peut gaspiller, si y'en a kit chose peut gâter, c'est ça madame là qui est responsable. Parce que dans la case musulmane, c'est un homme qui travaille en dehors de la case et madame musulmane là lit dans la case. Nous pouvons dire bien dans la case musulmane. Dans la case, un couple qui est conscient qu'ils sont musulmans. Parce que la civilisation moderne fin dévier le dunya en bas là-haut. Et donc, en la place, quand la madame là qui fait le travail, et bhaïla dans la case, Pépé prépare biberon pour petit baba boire dilé. Les pieds sans drapeau, et les fines connes sans drapeau, ce madame fin donner bel entraînement, parce que ce madame bise le travail. Les tantôt, elle est rentrée, madame là pour dire, madame ici là, ben, ton fini ben petit baba là, ton sans lit, et ben là pour dire, oui, mon fini met lit propre, ton ce travail, repose-toi, mon pas le faire petit baba là, boire, mon fait lit manger là. Ça dans la case ban civilisée. Dans la case ban civilisée, beaucoup qui choses en bas là-haut. Si Allah subhanahu wa ta'ala fin prépare un din qui montrait qu'un madame lit sa plus belle occupation trouve dans la case. C'est pas pour dénigrer madame. Allah qui fin créer homme et madame, c'est lui-même qui fin prépare une façon de vivre. Une façon de vivre qu'appelle l'islam, et d'après sa façon de vivre là, Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer chacun sa responsabilité, chacun son domaine de travail. Parce que Allah connaît, lui, le savant, lui connaît très bien dans qui façon Dimoun pour besoin vivre la terre pour que la société Dimoun aille bien avec une tranquillité. Donc, l'islam fin montrer que madame se place normalement dans la case, lui déjà en a beaucoup occupation. Il peut en a sa constelle étant libre pour y aller traverser parmi banzoum en dehors. C'est pas pour dénigrer la femme, mais au contraire, c'est un dimoun qui a iman. Il réfléchit beaucoup, il peut trouver qui Allah fin honore ban madame. Allah en a raham pour ban madame, plus qui ban juif en a raham pour ban madame. Un dimoun qui a iman, il est sûr dans sa vérité là. Allah en a pitié pour ban madame, plus qui ban kafir l'eau la terre en a pitié pour ban madame. Si Allah fin prépare une façon de vivre et peut montrer madame, gette place côte sa, et madame musulmane, gette l'énergie côte besoin dépenser, gette le temps côte besoin traverser, c'est pour que la société insane aille bien. Ça ne veut pas dire qui Allah fin condamne une madame pour être dans quatre coins mirailles, comme un kafir peut propager un mensonge concernant l'islam. Non. Une madame, elle sortit en dehors sur la case. Beaucoup l'y sortit. Beaucoup l'occasion l'y sortit en dehors sur la case. Ils paraissent dans sur la case tous les jours, toute longue la semaine, toute longue mois, tout long la vie. Non. Il y a beaucoup de circonstances qui disent aussi. Mais, pour faire comme un juif peut montrer, pour qui madame là y a le travail parmi les hommes, alors qui partit n'a aucune nécessité pour y a le travail, ça, c'est pas vous donne valeur, madame. Ça appelle dénigrer, madame. Quand une femme, madame, elle rentre dans la société, elle parmi les hommes, elle fait un travail qui les hommes sont bien capables de faire. Ça pas une faire pour donner valeur, madame, ça. Ce que Allah fait montrer sans aucun doute, ça, sa façon de vivre que Allah fait montrer, ça qui est meilleur. Responsabilité qui Allah fait confier à une madame musulmane. Si sa madame là, il accomplit ce devoir, il décharge sa responsabilité, eh bien, il fait une réussite dans la vie. Même s'il n'a pas fait travail parmi les hommes, il fait une réussite dans la vie. Ça, pour une madame musulmane. Donc, chers sœurs, ne besoin pas les snoug et embêter par beaucoup de plumes, de kafir qui finit écrire beaucoup de mensonges concernant l'islam et en particulier concernant position madame dans din islam. Ben là finit écrire beaucoup de mensonges. Mais une madame musulmane qui d'accord avec sa façon de vivre qui Allah finit montrer lui qui appelle islam là. Nous retournons avec ce hadith là, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire que responsabilité en madame c'est yokip sur la case somissier. Ni veiller qui quitte chose pas pe perdi, quitte chose pas pe gâté, quitte chose pas pe abîmé et deuxième petite chose qui est mentionnée dans ce hadith-là, c'est bans enfants. Bans enfants dans ça la case-là. Il y a une belle responsabilité, le madame musulmane, vis-à-vis bans enfants dans la case. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître qu'il y a un deuxième travail. Une deuxième responsabilité pour une madame, c'est de bien prendre compte des enfants dans la case. Les enfants là, bien ont une manière islamique. Dès qu'ils sont encore petit même. Dès l'enfance même, une maman, une madame musulmane, a besoin de faire tous les efforts pour faire ses enfants là grandit avec une manière islamique. Dès l'enfance même, sa maman-là, bien fait à ses enfants-là, commence à apprendre quelque chose concernant l'iman. Fait-lui connaître qu'Allah existe, même qu'il est encore petit, l'âge 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait-lui connaître qu'il y a un Allah qui existe, peut-être. Allah même qui finit créer les cieux et la terre. Depuis petit même, fais-lui connaître qu'il y a un prophète qui appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fait beaucoup de sacrifices, qui nous montre nous bonbon qui de choses, qui nous fait aller, nous parle dans Jannat. Fais-lui connaître cette Jannat-là qui était et qui est là-dedans. Et comme ça même, fais-lui connaître Jahannam comme une mauvaise place et qui qualité du monde qui parle là-dedans. À misère qu'ils en fallait pour grandir, bien enseigne-lui tout ça dans une petite chose là. Ça, tout cela, il trouve dans responsabilité en madame. Parce qu'il nous tout connaît très bien. Un enfant, surtout dans la case musulmane, un enfant, il traverse plus beaucoup les temps avec ce maman qui avec ce papa. Donc, sa madame musulmane là, sa maman musulmane là, il y a une belle occasion, il y a une belle facilité pour éduquer ses enfants islamiquement, pour donner ses enfants là une connaissance islamique le haut niveau cause de mon langage qu'ils en font là pour comprendre même qu'ils en font là encore petit. Depuis petit petit même, bien faire les enfants là intéressés avec bonne manière islamique. Depuis petit petit même, besoin faire ces enfants là dégoûte bonne manière qui pas islamique. Fait les dégoûte bonne la mode qui pas islamique. Depuis petit petit même, besoin inculquer ça dans lui. Sinon, les un maman, les papous des chars sous responsabilité dans sa l'occasion qui ces enfants là passent beaucoup de temps avec lui. Plus tard, les ces enfants-là font une fréquentation collège, si ces enfants-là pas le collège. Et nous tout connaissons très bien l'atmosphère dans le collège, qu'il y soit côté garçon ou bien côté fille. L'atmosphère dans le collège dépend de l'atmosphère islamique. Dans qui collège qui peut enseigner l'islam? Dans qui collège qui soit côté garçon ou bien fille peut enseigner la culture islamique? Dans qui collège qui peut enseigner les enfants musulmans pour intéresser avec ce culture, avec ce dîne. Bien au contraire, le man collège peut orienter les élèves, petits filles ou garçons, vers culture kafir, vers sport kafir, vers distraction kafir, vers la mode kafir. Et bien triste, mais situation est comme ça. Si une maman n'est pas accomplie à ce devoir, si une maman il pas déjà sous responsabilité dans ce lacasse vis-à-vis de ses enfants, eh bien, il est pour responsable devant Allah. Les ses enfants là fin déviés, les satifila fin content la mode kafir, les satifila peut admire culture kafir, jusqu'à l'an dernier les satifila fin arrivé content un kafir. Sa maman là qui est pour responsable devant Allah sans aucun doute. S'il fin néglige ce devoir, il panne des choses sur responsabilité qui se digne fin montrer lui. Il fin néglige sa garçon là, sa bêta dans ce la case là, jusqu'à l'an dernier, bêta fin en l'amour, pour ban juif, pour ban sportif, pour ban insan dans pays kafir, ban athlète, ban acteur, ban santaire, ban musicien, si sa garçon là, fin arrivé content sa ban mouchlik ban kafir là. Et après, sa l'amour là, pour pousser sa garçon là, pour imiter sa ban mouchlik ban kafir là, sa maman là, qui pour responsable devant Allah. Pour y en a les autres dimoun, qui pour capable responsable encore, par exemple, dans une institution, en particulier dans l'école, c'est chef qui est en charge dans l'école, lui sans aucun doute, il y a une belle compte pour rendre avec Allah. S'il fait une occasion de bons élèves pour orienter, pour désorienter avec l'islam. S'il fait une occasion de bons élèves pour détourner avec l'islam. S'il fait une occasion de bons élèves pour intéresser avec la mode kafir, coutume kafir, culture kafir, etc. Mais avant tout, un enfant il traverse ce bon premier l'année avec son maman dans la case. Mais s'il fait une décharge sur responsabilité, pas faire ce bêtis, ce bêta, dégoûte la mode kafir, dégoûte distraction kafir, dégoûte culture kafir, pour faire lui intéresser avec dîn Allah, pour faire lui intéresser avec culture islam, pour faire lui intéresser avec la manière que l'islam fait montrer, eh bien, sa garçon là, même s'il peut en prendre dans l'atmosphère qui pas islam, sa connaissance, sa tarbiyat qui ce maman musulman là fin donne lui, ça pour profite lui, pour garde lui toujours comme un musulman. Sa jeune garçon ou bien fille qui peut en prendre là, il a conscient, même s'il est dans l'atmosphère kafir, il y a une atmosphère qui n'est pas islamique, au moins il a conscient qu'il y a un musulman. Il n'a pas gagné droit, il n'a pas de conception qui peut enseigner dans tel tel sujet. Même qui professeur peut dire lui, même qui miss peut enseigner lui, mais lui, il est déjà armé avec une connaissance islamique. Il connaît qui veut dire un jeune musulman, il connaît qui veut dire un jeune musulmane, et il est content et il est fier d'être un musulman, un musulmane. C'est faudrait qu'il maman là finisse des choses aux responsabilités qui s'adine là, finisse confier lui. Sinon, sans aucun doute, maman là, il a un compte pour rendre avec Allah. Zou qayamat. Les atifila, les padresses avec Allah, oh Allah, sa même maman qui s'y fait m'habiller comme un majorette. Oh Allah, sa même maman qui s'y fait m'habiller comme un ban kafir. Oh Allah, sa même maman, que les s'y connaît, moi, tu peux fréquenter un mouchrik, qui pas diamant n'agne. Oh Allah, sa même maman qui finit donne ce consentement pour qui mal marié avec un mouchrik, mal fait et tout dit fait. Oh Allah, c'est même maman qui finit ouvert la porte. L'enfer qui a aujourd'hui m'opérant dans l'enfer. Oh Allah, get qui t'en a pour faire avec lui. Allah, les justes. Allah, les justes. Allah, pas injuste. Allah, les fin confier chacun ce travail. Chacun sa responsabilité. Celui qui finit suivre ce qui Allah finit montrer. Celui qui finit prendre compte ce qui Allah finit enseigner, ce qui Allah finit montrer, eh bien, lui-même, il prend contentement après la mort. Mais, si, par ça qu'il finit faire, il peut le regretter après la mort, il n'a pas blâme lui-même, il n'a pas blâme personne. Dans un hadith d'un musulman, dans un hadith Qudsi veut dire un hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dire. Normalement, nous connaissons quand nous disons Allah fin dire telle qu'il chose, ça veut dire dans le Coran et Ali. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit sa bonne parole, et dans sa parole lui dit qui Allah fin dire telle qu'il chose, alors ça appelle hadith Qudsi dans la littérature hadith. Dans le hadith Qudsi rapporté dans Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dit Ya ibadi, e moban banda, e moban serviteur, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sa zoban action, mo fin réserve li, mo fin préserve li pour zoban action là. C'est-à-dire, Allah li pas bilié. Man kit chose qui insan peut faire le salatier là. Allah fini God tout fini enregistrer tout. Et après il dit thumma uwaffikum iyyaha. Et ensuite mo pou donne zot ce salaire, ce récompense plein plein. Faman wajada khayran falyahmadillah. Celui qui trouve du bien qu'il y remercie Allah, qu'il y fait éloge d'Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Et celui qui trouve un autre qui chose à part du bien, c'est-à-dire celui qui trouve punition, li besoin pas blâme personne excepté lui-même. Celui qui pas trouve du bien, li besoin pas blâme personne excepté lui-même. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui en a raham pour insan, il fait faire insan connaît à travers din islam comment il insan besoin vivre au salaté là pour que insan n'a pas le regretter après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala par sa système qu'appelle islam là, par sa mode de vie qu'appelle islam là, il fait montrer en particulier un madame musulmane qui sa responsabilité. Si sa madame là fin accomplir sa responsabilité, eh bien il pour gué après la mort. Il est pour content et il est pour remercier Allah. Mais sa l'autre madame qui pas fin décharge sa responsabilité. Il fin gagne embêté par la vie ben kafir. Il fin gagne embêté par distraction ben kafir. Il fin aveuglé par culture ben kafir. Eh bien, sa madame là, je ne parle souffert dans l'akhirat. Et si je ne parle souffert, je ne pas pour gagner droit dire Allah qui entoure, un tel dimoun qui entoure, un tel dimoun qui entoure. Je n'ai pas pour blâme, zis je même comment Allah peut faire nous connaître dans sa hadith Qudsi. Donc, chers sœurs, à la responsabilité, si vous conscient qu'il y a une madame musulmane, si vous conscient qui est un membre de l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous finissez accepter sa mode de vie qui finit préparé, pas par Dimoun, mais par au Créateur, celui qui un jour n'a pas le rendre compte avec lui, si vous êtes conscient de sa vérité là, vous n'avez aucune raison pour rejeter sa mode de vie là, ou pour prendre une partie, pour rejeter une partie. Donc, chers sœurs, ou bien je m'en dois avec Allah. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ou con ou responsabilité. Parce qu'il y a aussi longtemps, ou pas gagné de détails concernant ou responsabilité comme une madame musulmane, comment y est ou pour capable à décharger aux responsabilités. Ça quelques mots qui nous peut expliquer où là, il pas suffit. Peut-être y a un premier pas. Li en la porte qui nous peut ouvrir pour où pour comprendre aux responsabilités comme une madame musulmane. Après ça, ou y a des efforts qui ont besoin de faire, des efforts personnels. Si y a pour dépenses, l'argent, pas besoin ou chagrin, parce qu'il n'y a pas pour regretter des dépenses qui ont fait dans sa façon-là. Voici tes livres, voici tes cassettes, côté enregistrement concernant mon travail ou travail qui ont besoin de faire comme une madame musulmane. Si on a pour déplacer par quelque part, et si on a pour payer taxi, accompagné par une famille, n'a pas hésité, ça va une casse, qui vous dépensez dans sa façon-là, ou pas pour regretter. Peut-être, il y a beaucoup les autres l'occasion que tu peux dépenser casse, et pas manque de connaissances, ou peux continuer à dépenser, et plus tard, ça va une dépense-là, ou pour regretter, qui fait une dépense dans telle place. Comme par exemple, un simple exemple me donne pour comprendre qui ont besoin pas regretter pour dépenser, pour en prendre quelque chose concernant ou responsabilité comme une madame musulmane. Si nous connaissons ou bien une famille qui invite ou la veille mariage, ce qu'on appelle Rat Jaga, qui invite où? Au reste loin avec sur la case. Ou fin payer un taxi, ou même si vous pas fin payer taxi ou en à l'auto, fin brille l'essence, ou pour regretter pour sa dépense qui vous fin faire là, si, les au final là-bas, au final distrait à ou pendant un temps, deuxième temps, troisième temps, devant vidéo, pour get démonstration ban mouchik et ban kafar. Ça ou sûr, ça casse qui vous fin brille là, ou si vous pouvez le regretter dans l'akhirat ça. Mais ça casse qui vous peut dépenser pour brûler l'essence, pour payer un taxi, pour le côté de monde, pour en prendre quelque chose concernant ou responsabilité, il n'y a pas un casse qui peut être, mais un casse qui vous peut récolter dans le dunya et dans l'akhirat. Parce que si vous comprenez ou responsabilité, ou premièrement, ou pour connaître comment il y a besoin de servir ou ban membre dans l'école et 10 monde dans la case pour tirer beaucoup profit avec vous. Là pour connaître comment il y a besoin de vivre avec autres qui travaille, qui ou devoir, qui ou besoin faire dans la case, chacun peut gagner son droit avec vous, tout vous satisfait. Et ça pour réaliser quand on finit la connaissance nécessaire concernant ou responsabilité comme une madame musulmane. Si vous faites un namaz, ou bien vous mettez un burqa, Ramzan fait venir pour garder rosa, il est bien bon, continue à faire dit, mais seulement ça pas suffit. Ou bien faire sacrifice le temps, sacrifice l'argent, ou bien fatiguer un peu pour gagner certaines connaissances. Nous ne pouvons pas dire où vient une savante, vient un alim. Si vous venez aussi, il est bon pour vous, mais au moins comme une madame musulmane, et dans certaines connaissances essentielles qui ont besoin et non, pour qu'on ou responsabilité comme une madame musulmane. Donc, chers sœurs, vos responsabilités devant vos enfants sont bien bien grands. Une simple négligence qui vous fait capable de faire beaucoup de tort pour vous-même, surtout dans l'akhirat. Dans la dunya même, si vous ne faites pas donne aux enfants un bon terbiette islamique, le la terre même ces enfants-là, capables, si Allah voulait, fatigue où dans sa dunya-là. Si Allah voulait faire goutte, conséquence ou négligence, il est capable de faire sa bêtise-là sans y ou l'équerre. Il est capable de faire sa bêta qui est content beaucoup là. Fait-il sans y ou l'équerre dans plusieurs circonstances dans la vie. Sa bêti bêta la fait quelque chose qui s'amène où tu peux attendre ni pour agir dans telle façon avec ou son maman. Sa bêti bêta la dans certaines circonstances, une réaction capable de saigner ou l'équerre. et puis la personne qui peut capable ne sait pas où si Allah ou les faire ou goûte mauvais conséquences de ou négligence. Et peut-être ou connaît comme une maman peut pleurer avec à cause de son enfant qui fait une de bonne raison principale, c'est parce qu'il n'est pas fin donne ses enfants là ce droit. Les filles privent ses enfants-là avec l'éducation digne. Les parfines donnent ses enfants-là un tarbiyat islamique. Les filles orientent ses enfants-là vers culture, la mode, manière kafir. Et alors, la terre même sa maman-là, il souffert. La terre même sa maman-là, regretté. Si moi, tu connais moi pas, il y collez. Si moi, tu connais moi pas, fait telle qu'il chose pour lui. Mais il est trop tard. Chers sœurs, nous demandons avec Allah qu'Allah Ta'ala fait ouvrir parmi ban madame musulmane qui conscient aux autres musulmanes. Ban madame musulmane qui content qu'ils autres musulmanes. Nous demandons avec Allah qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala les classe où parmi sa ban bon madame musulmane. Et connaît, chers sœurs, si au fin prend sa responsabilité qui vous dit fin de nous là. Et au fin des charges, sa responsabilité là, c'est pour vous-même qu'il a l'avantage. Et là, au propre du bien dans Dunya et surtout dans Akhirat. Une autre responsabilité pour une madame musulmane dans ce lacaz, c'est qui les besoins conseil soumissier dans l'air qui besoin conseil lit. Normal, une madame musulmane, les pour marier avec Moussa qui est musulmane. Une madame musulmane, les pour marier avec Abdullah qui est musulmane. Une madame musulmane, les pour marier avec Farouk qui est musulmane. Une madame musulmane, les pour pas le marier avec Raj. Une madame musulmane, les pour pas le marier avec Kumar. Ni même avec Anil, même si Anil peut être acteur, mais il préfère marier avec un membre de l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une madame musulmane, il peut choisir comme ce père un qui paraît comme Ali dans sa Ummat là. Et une madame musulmane, les bons conseils, toujours les donne bon conseil pour ce monsieur musulman. Là, il trouve ce monsieur qui musulman peut faire certaines erreurs. Parce que tout insan fait erreur. Tout insan fait péché. Peine parmi nous qui est capable de dire tout ce qu'il nous peut faire, bon. Et une erreur peut traverser dans nous la vie. Quand nous faisons une connerie, normal, nous ne pas continuer à faire erreur là. Mais une faiblesse qu'il y a dans nous tous, c'est qui nous fait pécher. Donc, une madame musulmane, lui vous trouvez, dans plusieurs occasions, ce monsieur peut faire telle erreur. Dans ce cas-là, sa madame-là, le besoin conseille ce monsieur. Ça, il trouve dans ses responsabilités. Comme par exemple, disons, une madame musulmane, il finit marié avec un musulman. Après un des bananes, travail pas trop massé. Il a une difficulté pour manger et boire. Et il finit en dire qu'il se monsieur peut faire l'intention pour jouer loterie. Ou bien ce monsieur peut faire l'intention pour faire une vidéo club. Dans ce cas-là, avant que monsieur là, elle prend casse par le faire ban démarche pour mettre vidéo club d'ibout ou bien les autres travail qui haram. Sa madame là, du moment qu'il y fait une tende, qui son monsieur peut servir ban moyen haram pour gagner manger boire pas même dans la case, tout de suite sa madame là, ce devoir, les besoins, commence conseil son monsieur qui vise à faire. Les besoins par les temps perdus, comment il fait une tende? Peut-être qu'il finit tant ça par ce beau-frère, bien par ce belle-mère. Il n'est pas tant ça avec la bouche de son monsieur même. tout de suite, il finit gain ça, il confirme nouvelle là, c'est pas livré avec sommissier, et tout de suite, il commence, explique sommissier. Et Daoud, tout ça, banana, il finit vivre avec la monnaie halal. Avec la monnaie halal, tout finit rinté. Tout finit même manger, tout finit de nous, nous finit manger, boire, nous finit dormir. Moutandier, tu peux ouvrir vidéo club. Moutandier, tu peux aller à la loterie. Moutandier, tu peux faire le travail haram, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Plutôt, nous arrêtons de manger, boire, un repas. Nous allons manger, un repas, nous ne pouvons pas manger, pas faire rien. Pas un certain temps, qui nous pourrait comme ça. Allah connaît qui nous peut faire des efforts pour vivre dans son obéissance. Est-ce qu'il te pensait Allah pour garder nous sans manger, boire l'eau sur la terre? Il connaît très bien. Depuis le premier jour qu'il nous fait une zone, nous pouvons dire la monnaie halal pour nous manger. Combien tu peux faire l'intention? Pas l'ouvrir quelque chose qui mal pour gagner casse. Même qui nous connaît très bien, sa moyenne amène beaucoup casse. Dans Tigin l'état, nous pouvons beaucoup casse. Nous pouvons beaucoup, beaucoup manger. Mais seulement les haram, et Farouk, et Youssouf, n'est pas bon. Pas besoin de faire ça. Prends patience. Nous demandons avec Allah beaucoup. Nous lever à soi, nous faire deux rakats namaz et nous pleurer avec Allah. Dans la main, Allah qui a nos risques. Papa, bon moyen haram qui nous pousse vite pour gagner nos risques. Et madame, ce devoir. Les sommissiers peuvent prendre une direction par le haram. Surtout dans un moment difficile. Faudrait, madame, là, ne pas tenter par sa bonne petite chose là. Surtout dans un moment difficile. Madame, là, a besoin de rappeler lui-même, il a besoin conscient qu'il y a une madame musulmane. Et il a besoin aussi de manger boire halal dans sa case. L'école, ses enfants ont besoin de grandir avec la monnaie halal. Un sou haram, pas gain droit rentre dans l'école. Parce que, comme il y a dans le hadith muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je vais expliquer dans un long hadith rapporté par muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je vais nous connaître qui doa. Doa un dimoun qui se mange haram, se boit haram, se linge haram, il peut nourrir avec haram, ce doa n'a pas accepté. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne fait nous connaître sa vérité là. Ce doa n'a pas accepté. Si ce doa n'a pas accepté, ça insan là, qui qualité il parle souffert l'eau la terre, même si nous trouvons sur la case peut augmenter dans man l'étage. Même nous trouvons que ce cancer roupi peut augmenter, mais il papa juillet sa ban l'argent là. Sa ban l'argent là pour venir un malheur pour lui. Sa ban l'argent haram qu'il peut ramasser là. Mais lui peut faire doa, Allah papa accepte ce doa. Parce qui? Il peut nourrir avec haram. Disant dans son écho peut augmenter par haram. Sévélo sur la tête peut pousser avec nourriture haram. Comment dire Allah pas accepter sa qualité de doigt qui sortit dans sa qualité de l'équerre qui vient grandir avec nourriture haram. Donc sa madame musulmane là, qui dit conscience aux responsabilités devant une situation pareille, de vitesse, avec un tracas, les pour conseiller son monsieur. Les pour décourager son monsieur. Et si son monsieur pas peut comprendre, il a fait un sacrifice cause avec ce belser. Il explique ce belser pour belser à cause avec ce frère. Il explique l'aide d'imoun tel d'imoun qui lui connaît ce monsieur n'a confiance le lit et tout cela al travail sa d'imoun là jusqu'à avec l'aide Allah et avec doa qui sa madame musulmane l'a fait Allah ta'ala capable retourne sa monsieur là vers le chemin droit pour faire lui toujours pense l'eau qui chose qui halal. Comme ça même, si une madame musulmane, il peut en dire que ce monsieur fait faire l'intention, là il peut aller faire Hajj, là monsieur là pour retourner passer une vidéo, là il finit nettoyer ce bon péché, il peut amener une petite chose qui peut faire lire encore commettre un paquet péché. Et ça qui lui permet là, pas juste tout seul qui peut commettre péché avec ça, mais une génération nette. Léa, sa madame musulmane là, il finit en prendre qui se monsieur qui pouvait une hadji sahab, là il peut retourner avec un mal propre. Madame là, il a besoin de faire tous efforts pour conseil ce monsieur. Et Daoud, tu connais le sa vidéo là, qui nous peut guetter le ça? Tu peux dire que tu peux guetter film islamique, mais combien de films islamiques y a? Et après avec film islamique, qui te peut guetter? Qui te peut en prendre? Combien de choses te peut en prendre? C'est quelque chose qui te permet d'en prendre la vidéo là, ça détruit quelque chose islamique là. Dans le livre, il y a plus qui ça. Et il y a des gens qui sont encore vivants, capables de donner plus de connaissances qui ça. Peut-être que Satan finit en bête toi, finit mettre ça dans la tête, tu peux faire des films religieux. Hein, tu peux faire des films religieux. Mais tu ne pas connaître après film religieux pour un film satanique. Madame Lab, ils expliquent lui et Daoud et Ibrahim avec un film malpropre te connaît combien de péchés te pour commettre. Est-ce qu'il te pas connaît, te pas croire que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne toi les yeux pour guider ça qui est halal? Est-ce qu'il te pensait Allah fin donne toi les yeux pas fin de faire toi aveugle pour qu'il te guette haram pour déplaire lui? Allah peut faire tes oreilles fonctionner bien pour te capter ban son. Est-ce qu'il te pensait qu'Allah finit de toi ses oreilles là pour écouter parole Satan pour déplaire Allah? Là, tu finis de ça ban film là, tu tout seul pour get ça? Nous, un petit bêta, 5 ans, 10 ans, pas le commettre péché. Et toi, Daoud, quand toi, tu as 5 ans, 10 ans, ton maman, pas tu fais toi commettre sa qualité péché là, comment y est toi, tu peux occasion de nous bons petits enfants, à partir de Salaz là, tu peux faire les autres commettre péché, tu peux en ramener pour nos bons enfants. Madame Moussalman, bien paraît tranquille. Parce que si ça court en désobéissance là, rentrer par Zéfo, monsieur là, li pour balier sa madame là aussi pareil. Comme Yézou, une madame qui est dans la télévision, quand peut projeter ban mal propre l'écran, li capable tini, li capable de patience, pendant qu'il y a un joli film l'écran, li peut dormir. Comme Yézou, li pour tini comme ça. Comme Jésus pour lutter avec Satan dans seul la case. Plutôt avant que Satan rentre, il fait des efforts, ferme la porte. Il ferme la porte, pas laisse Satan rentrer. Ça, c'est faux là, plus facile pour faire qu'il est Satan fin rentrer, nous guetter comment il y a pour tirer après. Donc, Madame Moussalman, les besoins faire tous les efforts qu'ils trouvent dans sa capacité. Pas qui, quand il finit de dire, son monsieur, puis l'Arabie, puis il fait Hajj, là il peut retourner, puis acheter une grosse télévision couleur, il finit une cause d'écoute avec lui, monsieur là pas fin de comprendre, ou monsieur là fin de maltraiter lui. Il ferme la bouche, non. Chère sœur, mais si vous monsieur vraiment content, ou, il n'est pas pour capable de faire sa qualité injustice là avec vous. Si tout le temps on finit d'obéir lui, dans place qu'on bise obéir lui, tout le temps, il cherche ce plaisir pour faire lui content. Il n'est pas pour capable de faire sa qualité injustice là avec ou. Mais au moins, quand on peut empêcher pour faire une petite chose qu'il peut faire qui n'est pas bon, au moins, il a crié avec ou. Pas fait n'anier. Ou les cœurs a blessé, mais à cause du Créateur. Donc, chers sœurs, comme ça même, n'importe quand, on trouve vous missiez, période faire quelque chose qui vous connaît grave d'après Dine, n'a pas resté tranquille. À plusieurs reprises, avec plus bonnes paroles. Et plus tard, s'il fallait, guette les autres dimons qui prient avec vous, monsieur. Pas pour dénigrer vous, monsieur, du tout. Pas pour faire ribat vous, monsieur, du tout. Non, avec bonne intention pour amener lui dans le chemin droit. Pour empêcher, faire le mal, pour amener le mal dans la case, ça trouve dans ou responsabilité, ou besoin faire. Et vous connaissez, si vous finissez tout le temps, ça l'habitude là, pour contrôler au monsieur, pour ne pas laisser faire quelque chose qui est haram, pour ne pas laisser amener quelque chose qui est haram dans la case, premièrement, Allah connaît comment manière ou pérouler ou la case dérouler. Deuxièmement, Allah a une capacité. Il est capable de faire un monsieur comprendre ou l'esprit. Les sakout li bureau de faire certaines petites choses qui haram. Les homicides bureau de faire quelque chose qui haram. Il peut trouver qui ou peut empêcher lui et ou peut réussir convaincre lui jusqu'à plus tard. Un amour extraordinaire pour développer dans ce léquerre. Pour où? Quitte ça, madame, là, comme une bonne madame pour moi. Même qu'il n'est pas pour dire où, mais il est pour réfléchir, pour penser. Quitte ça, madame, là, comme un peu où il est du bien pour moi. Et là, il finit de comprendre où mentalité, où l'esprit islamique, après un certain temps, peut-être. Quand il peut refaire quelque chose haram dans la case, il finit de connaître qui ou pas empêche lui, il arrête de faire lui. Avant qu'il y fasse lui-même, il finit de penser qui ça ou pas empêche lui. Et alors, il arrête de faire lui-même. Et tout ça là, tous ces efforts qui vous fait là, vous trouvez l'eau la terre même, dans la case même, et la tranquillité pour la nour, pour l'obéissance à Allah, et jour qayamat encore, c'est vous-même qui pour goûter ce qu'appelle l'âge de vivre. Quand au Créateur pour récompense ou pour tous les efforts qui vous fin faire, les vous fin vivre comme une madame musulmane l'eau sur la terre. Chers sœurs, nous demandons avec Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala, donne où la connaissance nécessaire, parce qu'ici vous avez la connaissance concernant au dîn, comment n'y a pas le connaître qui telle quelque chose pas bon et alors pour en paix soumissier, comment n'y a pas le connaître qui telle quelque chose de grave et où monsieur Perrault fait lui, comment n'y a pas l'en paix lui, faudrait vous connaître. Donc nous trouver, chers sœurs, comment il est nécessaire pour en prendre quelque chose concernant au dîn. Nous ne va pas dire où en prendre le Coran par cœur, pourtant même. Même si on en prend le Coran par cœur, il est bien bon, l'avantage pour eux-mêmes. Mais tout ce qui nous peut envie de dire, minimum, c'est qu'ils ont besoin de gagner une connaissance essentielle concernant Odin, afin qu'ils connaissent qui ont responsabilité comme une madame musulmane, qui ont besoin de faire, qui ont besoin d'éviter, comment ils ont besoin de contrôler ou la case, pour que la case là, ils restent la case musulmane. Nous demandons avec Allah, qu'Allah Ta'ala facilite nos bonnes sœurs musulmanes pour gagner sa connaissance essentielle là, afin que nos bonnes sœurs connaissent cette responsabilité et que Allah aide autres pour décharger cette responsabilité et Allah pour récompense dans dunya et dans akhirat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في وسبحان الله رب العالمين. حكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء.